une ligne, encore une dernière ligne. Et c'est promis j'arrête, pire qu'un toxico. Je me sens fébrile jusqu'à la ligne d'après. Rituel urgent, monologue épistolaire. Je copie des lignes en permanence comme le fils d'Homère. Inspiré par les thèmes universels, je passerai tout mon hiver seul et je m'en rends compte à chaque anniversaire. L'appel des lignes aura toujours pris l'ascendant. J'ai tellement ça dans les veines que je peux pas vivre sans me faire un sang d'encre. Aucun passe-temps n'a jamais pu m'emmener si haut. J'utilise des paraboles pour que les gens puissent capter mes signaux. C'est comme une cure d'estime. Mon visage est quelconque, mais je maîtrise à la perfection les figures de style. Malgré mes aptitudes, je reste un néophyte. Écrivain solitaire, mes longs couplets ne sont pas destinés au feat. Les mecs déclinent dès qu'ils ont percé. Leur écriture est portée disparue, mais c'est la mienne qui est recherchée. Je travaille plus l'esprit que les abdos. Faire danser la plume sur le papier, c'est mon premier réflexe à l'aube. À croire que j'ai fini par tomber dans le piège des livres. Les lignes me font vivre en même temps qu'elles m'empêchent de vivre. Paradoxe étrange, mon cerveau l'admettra. Je me considère un peu comme un soldat de l'armée de l'art. Adieu les déserteurs, moi j'écrirai des textes uniquement pour toucher les cœurs et pour faire cogiter les têtes.